La réunion élargie de la deuxième session plénière du 9e comité central de l'Union de la jeunesse kimilsoniste kimjongiste a eu lieu le 27 septembre à Pyongyang sous la participation des membres et des cadres du comité central de l'Union, les permanents de l'Union pour les ministères et établissements centraux. Les participants ont discuté des tâches des organisations de l'Union pour appliquer à fond les tâches de valeur de programme énoncées dans le discours du maréchal Kim Jong-un, inaugurant l'âge d'or du mouvement de la jeunesse kimilsoniste kimjongiliste, prononcé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung.